Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture, où aujourd'hui nous allons voyager dans la vallée des Anges qui se trouve, on va dire, à quelques kilomètres donc du fief de Fadjet, grâce à un auteur qui nous a déjà rendu visite. Il est l'auteur de 68 livres, il a reçu le prix des maisons de la presse en 2002 et le prix de la littérature policière en 1993. Il revient pour mon plus grand plaisir aujourd'hui pour son dernier roman sorti le 17 avril 2025, Retour à la Vallée des Anges avec Paul Couturiot. Bonjour Paul. Bonjour Sarah. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Ben moi aussi, parce que je me souviens d'une très bonne émission l'année dernière. On va essayer de faire pareil. Alors, là, Retour à la Vallée des Anges, donc édité aux éditions Terre de France. Et là, tu vas nous emmener donc dans tous ces villes ou villages qui se terminent en Ange, Ayange, Ucange. Ucange, Nilvange, Serremange, etc. Voilà. Alors, Paul, on part à l'origine de l'intégration italienne dans ce dernier roman, dans la vallée de la Fensch et de la sidérurgie. Comment t'es venue cette idée de roman ? Tu mets en place un jeune journaliste, on va dire entre 35 et 40 ans, qui s'appelle Sébastien, qui vit à Paris, il est journaliste sportif. Et puis, bah, il revient de temps en temps, donc du côté de Metz, parce que son cœur l'appelle à Metz, en la personne de Joël, et puis de sa famille. Voilà, il a des rapports un peu tendus avec son papa, essentiellement. Il a une maman de substitution, mais qu'il considère comme sa maman, une sœur. Comment te prend l'envie d'écrire sur cette émigration italienne qui vient travailler donc dans la vallée de la Fensch ? Et pourquoi cette envie de nous retracer, voilà, des destins parfois tragiques ? Eh bien, parce que c'était lors d'une discussion avec mon éditrice après Les Disparus de la Condor. Elle me dit « Oh, ce serait bien que tu nous fasses quelque chose sur la sidérurgie lorraine. » Et je lui dis « Mais moi, ça ne m'intéresse pas. On a plus envie de donner cette image des hauts fourneaux, du côté sombre. » Le ciel toujours un peu gris, voilà. Elle me dit « Mais si. » Et comme elle insiste, je finis par lui dire « Bon, d'accord, ok, mais... » Ça va être un épiphénomène, je vais plutôt me concentrer sur l'immigration italienne. Donc toi, tu abordes ça par un autre versant de l'histoire de la sidérurgie. Exactement. Okay. L'immigration italienne, pourquoi ? Parce qu'il suffit de regarder notre région, elle est toujours imprégnée de ce passé italien. Et il y a on se balade dans les rues de Metz. Et on se dit, mais il y a un côté italien avec cette pierre jaune de Jaumont. Il y a des quartiers où vraiment on se croirait en Toscane. La place Saint-Louis qui est une place italienne du temps du Moyen-Âge où les banquiers lombards, juifs venaient s'installer là. Il y a vraiment une atmosphère très, très italienne dans cette ville. Et dans toute la région, on retrouve ça. Et ça se traduit notamment de la manière la plus éclatante, je dirais, dans le festival du film italien de Villerue. Voilà. D'ailleurs, tu en parles dans le roman, tu fais une très jolie place. Oui, parce que ce que j'ai voulu, c'est remonter aux origines de l'immigration, fin du 19e siècle, et les différentes phases où, au début, les Italiens qui viennent ici fuient la pauvreté, parce que faut pas oublier que l'Italie, c'est quand même un pays assez jeune, hein, 1867, si ma mémoire est bonne. Et c'était une période très troublée, le Risorgimento, l'unification des différentes régions en un pays unique. Et il n'y avait plus de travail. L'Italie n'arrivait plus à nourrir ces hommes, ces femmes, ces patriotes, quelque part. Et donc, la solution, c'était d'aller ailleurs. Et il y a eu différentes façons. C'est pour ça qu'au début, je les illustre un petit peu, montreurs d'ours, et puis ceux qui vendaient des petites statuettes, etc. C'est des métiers qui ont existé. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et puis, il y a eu aussi cette immigration vers la Lorraine qui, un peu plus tard, sera surnommé le Texas Lorrain, parce que ici, ben, il y avait la sidérurgie, il y avait les mines, donc il y avait du travail. Et puis surtout, la façon dont tu l'expliques dans le roman, c'est que pour ces Italiens, ça pouvait pas être pire que leurs conditions actuelles que de venir travailler en Lorraine, même si les conditions de travail étaient difficiles, parce qu'ils descendaient au fond de la mine. Oui. Et puis, tu l'expliques d'ailleurs avec un des personnages, on va dire, principaux du roman, son copain qu'il croise, Enzo, qu'il croise dans le train, et lui dit, de toute façon, toi, vu comment t'es musclé, etc., tu peineras pas à te faire une place. Bon, après, voilà, il va se passer plein d'autres choses. Et on se rend compte qu'en fait, pour eux, et même s'ils savent que ça va leur provoquer des maladies ou des difficultés médicales, bah, ils préfèrent ça à la pauvreté totale, en fait. Oui, parce qu'ils envoient de l'argent à la famille qui est restée au pays. Et puis surtout, ce qu'ils espèrent, c'est gagner assez d'argent pour faire venir leur famille et reconstituer le noyau familial ici, en Lorraine. Ouais. Parce que ça devient, d'une certaine manière, leur nouvelle patrie. Ils s'installent. Alors au début, c'est très difficile parce que ils sont rejetés en les plus. Les Français ne veulent au pas début, d'eux, ils sont rejetés. Ils ont la réputation d'être des joueurs de couteau. Ils les appellent les macaronis d'ailleurs. Et oui, les macaronis. Ouais. Ouais, voilà, c'est bien, bien expliqué. Et en plus, ils ne participent pas aux luttes sociales au début. Puisqu'ils veulent gagner de l'argent. Ils veulent juste travailler. Ils veulent juste travailler. Oui. Donc, quand il y a des luttes sociales, ils sont mal vus. Parce que eux... Et alors, vous savez pourquoi on les a appelés les jaunes, les briseurs de grève ? Non. Parce que les Italiens, quand ils venaient en Lorraine, on savait que la population était assez hostile. Donc, ils mettaient des papiers jaunes sur les vitres pour qu'on ne voit pas de l'extérieur et qu'on s'imagine que c'est peut-être des animaux qui sont dedans. Ils étaient pas mieux traités, pas qu'ils soient repérés quand ils arrivaient. Exactement. Et donc, les jaunes, c'était ceux qui arrivaient dans les trains masqués de jaune. Et voilà. Eux, ils ne voulaient pas au début. Et puis, il y a eu toute une évolution. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et chaque fois, ils s'intégraient, plus ils participaient. Donc, ce regard qu'on avait sur eux, qui était assez négatif au début, parce qu'ils acceptaient des conditions de travail que... Je pense que personne d'autre n'aurait voulu accepter. Exactement. Oui. Petit à petit, on s'est rendu compte que ils ont quand même mis leur vie en jeu pour défendre cette région. Ils se sont intégrés à tout prix. Absolument. C'est important pour eux. C'était très important. Et ça aussi, c'est le côté, positif du paternalisme sur lequel on a beaucoup glosé, qu'on a critiqué, etc. Alors, c'est certain qu'il y avait des critiques à adresser à ce système, mais en même temps, les Devindel et autres ont donné la possibilité à ces ouvriers de devenir propriétaires de leur logement, avec toute une organisation qui serait trop longue de développer ici. Mais ils y retrouvaient, ils s'y retrouvaient parce qu'ils se fixaient. C'était une façon de les fidéliser. Exactement. Quelque part. Je te donne un logement et un jardin, tu peux faire venir ta famille, du coup tu ne me quitteras jamais parce que c'est grâce à moi que tu travailles et que tu vis. Voilà, et comme tu dois me rembourser la maison... Tu vis dedans, elle va être à toi plus tard, mais en attendant, tu me la rembourses. Il faut que tu restes là. Tu ne peux pas partir avant. Voilà. Donc, c'était un peu donnant-donnant, mais les deux étaient gagnants, d'une certaine manière. Alors, justement, Paul, on parlait donc en début d'émission de Sébastien, ce jeune journaliste sportif qui va partir à la découverte de ses origines presque malgré lui. Oui. Il voit bien que son papa, il critique son métier, il critique la façon dont il le fait, parce que dans le roman, tu situes ce papa, donc il lui a fait une grande carrière à la radio, mais surtout pas dans le domaine sportif. Dans la culture. Dans la culture, très important. Oui. Et puis, ce monsieur a refait sa vie, la maman, on va dire, biologique a disparu, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Hein. Tout le long du roman, on ne sait pas trop. Et puis Sébastien va rencontrer quelqu'un qui va lui faire rencontrer son nono, son grand-père, qui est italien. Qu'il découvre et qui est malheureusement aux portes de sa fin de vie pour plein de raisons et qui va lui dérouler donc toute cette histoire. Moi quand même, ce personnage de Sébastien, je me dis j'ai l'impression que pour vous, les valeurs de famille et de filiation, ce sont des choses très importantes. Et je me demande pourquoi, vous, narrateur, vous vous êtes mis dans la peau de ce Sébastien. Vous auriez pu dire il, elle ou moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce jeune Sébastien me fait penser peut-être à un Paul il y a quelques années. Est-ce que j'ai juste, pas juste ou... C'est amusant parce qu'il y a encore une semaine, j'aurais dit « Ah bon, je vois pas », etc. Mais j'ai fait une présentation de mon roman à Bruxelles ouais. le week-end dernier. Oui, la semaine dernière, je vous suis sur les réseaux. Et la journaliste qui me présentait m'a posé la même question. Et promis, je n'ai pas entendu. Hein, à l'interview. Tout à fait, je l'ai pas, ça n'a pas été enregistré. Et elle m'a dit, mais j'y mets pourquoi ? Je ne vois pas. Elle me dit, mais on retrouve la même notion de transmission ouais. Chez eux qu'on trouve dans votre roman oui. Ce feu qui me dévore, la transmission par le grand-père. Et je me suis dit, mais effectivement, j'étais... Mon grand-père, c'était mon dieu, c'était vraiment tout pour moi. Donc, quand je passais du temps avec lui, on profitait de l'instant présent. Et vous expliquez un peu. Et quand il est mort, ah, le vide. J'ai plus pu lui poser les questions ouais. auxquelles j'avais jamais pensé quand je vivais avec ouais. lui au jour le jour. Quoi. Enfin, c'était pendant les vacances, mais et je pense que c'est ce qui a créé le personnage de Sébastien, okay. qui bavard. Découvrir un grand-père qu'il ne connaissait pas. Et puis au départ, en plus, enfin voilà, son grand-père lui dit « Je veux que tu me promettes de relater notre histoire. » Et lui, il dit « Ouais, non, ça ne m'intéresse pas. Enfin, on ne se connaissait pas avant. Allez, je vais lui dire oui, comme ça. » Et ce personnage extérieur qui a bien connu ce nono, lui dit « Il faut que tu le fasses. » Vous le dites d'ailleurs dans le livre, je ne sais plus à quel passage. « Il faut que tu le fasses. » C'est important pour lui, mais ça l'est encore plus pour toi. Et moi, je me dis, pour Paul... Toute cette histoire de transmission, de filiation et d'héritage patrimonial et familial, ça va au-delà de ce roman pour vous, je pense. Oui, tout à fait. Il y a une part de vous dans ce Sébastien, oui. J'insiste. Hein, mais... oui, oui. Non, mais tout à fait. Parce que je me suis rendu compte de l'importance de la transmission ouais. à la mort de mon grand-père. Toutes ces questions que je ne lui ai pas posées. Vous n'avez pas eu le temps, ouais. J'ai pas eu le temps. On profitait l'un de l'autre. Oui, bien sûr. Je crois qu'il m'aimait autant que je l'aimais. Donc il y avait vraiment, les grands-parents sont là pour prendre du bon temps avec les petits-enfants. Voilà. Eh oui. Et j'ai écrit il y a quelques années maintenant un roman qui s'appelait En passant par la Lorraine, ouais. qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, dans lequel je mets en scène un personnage un peu copié sur mon grand-père. D'accord. Et là, je me pose une question, je me dis, mais mon grand-père qui était pompier de la ville de Metz, très dévoué aux autres, pourquoi il n'est pas parti au moment de la guerre ? Lui qui avait toujours son béret basque sur la tête, ce qui était un signe de résistance oui. à l'époque. Pourquoi il n'est pas parti ? Pourquoi il est resté là ? Et là, une idée me traverse l'esprit. Je me dis, ben, parce qu'il faisait partie d'un réseau de passeurs. En tant que pompier, il pouvait aider. Et, okay. voilà. Et j'imagine, et j'intègre ça dans le roman. Je viens au Salon du Livre à la parution de ce « En passant par la Lorraine ouais. ». Et un voisin de mes grands-parents vient me voir et il me dit « Tu te souviens de moi ?» Je dis « Bah oui, monsieur Nadé, vous étiez le voisin de mes grands-parents. » Il dit « Oui, alors finalement le Paul, parce que mon grand-père s'appelait Paul ouais. aussi, il t'a raconté son histoire. » Je dis « Quelle histoire ?» Il dit « Bah, tu le dis dans ton roman, t'as pas inventé ça. » Je dis « Mais non, mais le fait qu'il faisait partie d'un réseau de passeurs. » Et là, vrai. Je découvre que mon grand-père était vraiment membre d'un réseau de passeurs. Irrésistant. Il n'a jamais rien revendiqué. Ouais. Il n'en a jamais parlé. Il n'en a jamais tiré gloriole. Et je veux dire... Il l'a fait parce que pour lui, il fallait le faire. Fallait. Et c'est tout. Il fallait, voilà. Extraordinaire. Et là, il y a eu ce regret de ne pas avoir posé toutes les questions qui me sont ouais. venues par la suite. Et, voilà. Mais je pense que quand on est écrivain et qu'on est un peu à l'écoute de... Certains signes. Voilà. Il y a des signes. On reçoit des d'accord. choses. Oui. Ouais. Et il faut les exploiter tout de suite. Tout à fait. Et donc, Sébastien, oui, c'est un peu la part de moi qui redécouvre. Mais t'es pas trompé. Voilà. Non. Alors, on va Sauf faire. Que je ne suis pas italien. Oui, très il y a bien. Pas de racine italienne. On va faire une première coupure musicale de ton choix, Paul, avec Bella Ciao. Eh oui. Qui me paraît, évidemment, on va dire, de... Comment je vais dire ça, qui me paraît d'actualité donc pour le roman. Alors quand même, pourquoi ce choix ? La petite question que je pose toujours, est-ce que cette musique t'a accompagné quand tu as écrit ou est-ce que pour toi c'est une vraie référence qui colle Alors si tu regardes le début du roman, oui. il y a une petite phrase, un petit échange qui est en exergue et qui était extrait d'un film avec Jacques Gamblin qui s'appelle Bella Ciao. Et exact. J'ai adoré ce film et surtout ce passage parce que c'est... Je trouve qu'il Bah, tu peux le lire si tu veux. Je vais le lire. Tu ne vois pas le bout de terre, là, avec les montagnes ? Non, il n'y a rien. Oui, mais ça, c'est parce que tu regardes mal. Fais comme moi. Il ferme les yeux. Et maintenant, tu la vois, l'Italie ? Voilà. Parce que ces immigrés, ben, ils transportaient l'Italie en eux. Oui. Ils étaient français, ils se revendiquaient français. Il y a tout un passage dans le roman qui évoque cela. Mais ils avaient dans leur ADN l'Italie. Et Bella Ciao était quand même un chant révolutionnaire. Voilà. Eh bien, on l'écoute et on revient juste après. Una mattina mi sono alzato. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Una mattina mi sono alzato. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore è questo fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questo fiore del partigiano morto per la libertà. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission consacrée au dernier roman de Paul Couturiot, Retour à la Vallée des Anges. Paul, est-ce que ça va bien ? Très bien. Ok, donc on peut continuer. On peut continuer, oui. Alors justement, donc, dans ce roman, vous parlez effectivement donc, de la Vallée des Anges, comme on l'a dit précédemment, le festival du film italien de Villerue. En plus, on apprend un petit peu son origine. Et puis on apprend aussi sa dimension internationale, moi je ne savais pas. Pour moi c'était vraiment au niveau national. Et puis vous parlez aussi également, dans les différentes descriptions que vous faites dire donc, aux différents protagonistes, de toutes ces belles plaines boisées de notre jolie région. Le livre est sorti le 17 avril 2025. Quel est son accueil en public, en salon ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors c'est vrai que j'ai fait plusieurs rencontres. Ouais. Pour la première fois, lors du salon du livre de Metz. Oui. Le dimanche à 16h, je suis rentré chez moi parce qu'il n'y avait plus de bouquins. Tout s'était vendu. C'était plutôt bon signe. Ce qui est plutôt bon signe. Bon. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que des connaissances ou des gens que j'ai rencontrés lors du salon, etc., m'ont fait des retours en disant je crois que c'était une page de ma vie qui était tournée et vous m'avez fait prendre conscience de l'histoire de mes parents, de mes grands-parents, j'ai revécu des choses, j'ai retrouvé des lieux, etc. Et je reçois plein de réactions de beaux témoignages de ce genre-là comme ça. Et je me dis ça me touche énormément parce que pourquoi Sébastien, il est journaliste sportif et quand son grand-père lui dit raconte mon histoire, qu'est-ce qu'il lui répond ? On lui dit mais je peux pas. Ouais, moi, oui, je suis aux antipodes de ton monde. Je serais incapable de faire ça, c'est d'ailleurs, il lui dit. Non. Il est dans un monde un peu superficiel, oui. Le sport, le foot. Ce que son papa lui reproche, d'ailleurs. Et oui. Et il lui dit, mais je peux pas, j'ai jamais connu les combats syndicaux, j'ai jamais descendu dans la mine, j'ai jamais vu entendu les gueulards. Et il lui dit, ben débrouille-toi. Et ça, c'est en fait parce que quand je me suis lancé dans ce roman, je me dis, tu relèves un sacré défi parce que, c'est ce que j'allais dans te la région, les gens savent ce qu'est l'immigration italienne, ils savent ce qu'est la vie dans les mines, dans la sidérurgie, t'as pas intérêt à te louper. Donc, c'est pour ça que mon personnage commence en disant « Oh, moi, je parle d'un truc que je connais pas. » C'est une façon de se dédouaner voilà, un peu, en disant « Bon, s'il y a quelques erreurs, voilà, c'est pas voilà. moi. » C'est vrai que j'ai fait un gros boulot de recherche. Ouais. J'ai rencontré des spécialistes de l'immigration italienne en Lorraine. Bon, donc, vous avez été à Esch-sur-Azette ? Non, mais j'ai consulté le site, j'ai vu des heures de visionnage, voilà, des documents de l'époque, etc. Vous avez mis combien de temps entre le moment où vous avez fini de rédiger et quand l'idée arrive ? C'est-à-dire, l'idée arrive, vous dites « Ok, je me lance ». Il y a combien de temps de recherche, à peu près ? Avec l'écriture, ça fait environ un an de travail. Ah ouais. Puis la recherche, une fois qu'on a trouvé, faut classer tout ça. Oui, parce que moi je dis toujours, pour pouvoir être à l'aise en illustrant une période historique, il me faut peut-être 100 informations que je vais utiliser, mais il m'en faut 1000 pour pouvoir puiser dedans en fonction de l'histoire aussi. Parce que les deux se nourrissent. Moi, j'ai la documentation dont je suis tributaire parce que je ne peux pas réinventer l'histoire. Et puis, il faut aussi ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Exactement. Et puis, il y a quand même le côté romanesque. Il faut que les deux puissent se mélanger sans que le lecteur ait le sentiment de recevoir un cours d'histoire ou qu'il se dise, oui, mais là, attends, il est en train de nous parler d'un truc, c'est pas du tout ça. Mais parce que vous auriez pu faire, à la limite, un documentaire. Oui. À la limite, vous dites, OK, je maîtrise pas trop le truc, je fais un documentaire plutôt bien construit. Et ça, c'est mon métier d'écrivain, de partir. Quand j'ai écrit le paravent de Soie Rouge, je connaissais pas vraiment la Chine de la fin du 19e siècle, la période-là. C'était plus la peine d'y aller. J'aime bien, moi, voyager dans les pays dont je parle, mais là, ce n'était pas la peine, parce que la Chine d'aujourd'hui n'y ressemble plus du tout. Donc voilà, ça demande... Donc c'est à la fois... C'est un risque, mais en même temps, c'est hyper stimulant. Ah oui, c'est très stimulant, parce que faire revivre toute une période, c'est... Il ne faut pas se louper, mais j'aime ça. Et puis, vous arrivez, donc il y a toute la partie documentaire que vous intégrez dans le roman. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne, avant que je pose la quatrième question, sur le rôle du papa de Sébastien. Alors, le papa de Sébastien... Parce que ce monsieur, il apparaît comme quelqu'un d'un peu froid, une espèce de patriarche, là, comme ça, sur sa famille, qui a un avis sur tout. D'ailleurs, il a une sœur... Très bourgeois. Voilà, qui s'appelle France. Et à chaque fois, ils tendent toujours un peu le dos quand il faut aller dîner, parce qu'ils savent qu'ils vont se prendre des remarques, même s'ils ne disent rien. Et puis, ce que fait Sébastien, c'est pas assez bien. Et puis, cette jeune femme qu'il fréquente, qui s'appelle Joël... En fait, il ne le sait pas encore, mais il en est fou amoureux et il ne rêve que d'elle. Ça, il le découvre après. Je trouve ça aussi sympa, cette petite note un peu de sentiment comme ça, c'est sympa. Il se cache, ce papa. Il se cache derrière plein de choses. Il ne veut pas dévoiler, il refoule. Il ne veut surtout pas qu'on connaisse ses origines. Et puis, il va commencer à se dévoiler un tout petit peu quand Sébastien va découvrir le pot aux roses et va lui dire « Maintenant, on va aller déjeuner ensemble. » Et il va essayer de le faire parler. Et malgré ça, il se ferme. Et parce que Sébastien va lui dire, mais Simonet, c'est pas vrai, on s'appelle Simonetti. Voilà. Et il va lui dire, si tu veux en savoir plus, tu vois avec ton grand-père, moi je veux pas entendre parler de ça. Et il se ferme véritablement. Est-ce que c'est là, une façon de... Voilà, mais de ne pas assumer sa filiation. Sa filiation, pas sa filiation biologique, mais sa filiation, son histoire, au terme d'histoire. Pas son histoire italienne, son histoire d'amour ratée. Oui. Voilà, parce qu'il y a une histoire d'amour dedans, de trahison, d'amitié, etc. Je ne voulais pas trop dire. Il y a un élément, et c'est cet élément-là qui... C'est à cause de ça. Oui. Voilà. Oui, et je pense... Pas du tout le côté italien, ça... Je pense que ce monsieur, il est malheureux, en fait. Il a été malheureux, il l'est plus, mais il a été malheureux. Il a été très malheureux et veut surtout pas que ses enfants renouent avec ce côté de pas le côté italien, mais le côté valet de la Fench, où lui a le sentiment d'avoir souffert parce qu'il a vécu un fait qui l'a profondément blessé. Et voilà, on va pas. Non, ça, je voulais pas spoiler tout. Voilà. Voilà, mais le papa qui apparaît au début, hein, un peu comme en filigrane, comme ça, là, derrière, au final, la boucle est bouclée, revient en fait au centre de cette fameuse histoire où Sébastien n'a jamais connu son nono. Retour à la vallée des anges. C'était bien. Alors, Paul, la question que je pose à tous les auteurs qui ont le bonheur de venir dans les caprices de lecture, y a-t-il un autre roman en cours? Ah, oui, il fallait bien que je pose la question. Alors, j'ai un roman en cours, mais c'est très loin de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc okay. Ça, voilà. Et puis, j'ai un projet. Tu te re-challenges encore? Je me re-challenge encore. Tu changes de registre? Oui, oui. Ok, bon, j'en saurai pas plus. pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose de plus de l'ordre de... De l'intime, de la résilience, okay. De... Voilà, on va toucher à un sujet délicat, d'accord. Mais ça, voilà. Avec une écriture très, très différente. Et sinon, j'ai... T'as une parution Je sais pas, non, là, je suis en plein dans l'écriture. C'est vraiment... D'accord. Je me fais plaisir. Enfin, plaisir, oui, je... Oui, oui. Okay. Je travaille un projet... Et autre projet, tu dis. Et l'autre projet... que je veux prendre le temps de construire, on reste toujours dans la région ici, ouais. Mais c'est un thème qui m'interpelle depuis très longtemps et que j'ai envie de traiter, et pas du tout de la manière dont ça a pu déjà être fait, okay. C'est le thème des malgré nous et des malgré elles. Parce que les malgré elles ont existé aussi. On en parle pratiquement pas. Oui, tu vois, parce que pour les auditeurs qui ne nous voient pas, bien sûr, je fais une tête. Oui. J'avais des malgré elles. Ah oui, bon oui. Oui, on parle des malgré nous, mais on ne parle pas des malgré elles. Et je trouve que c'est important de ramener ça un d'accord. petit peu à la surface et de traiter ça. Parce qu'en fait, ils ont été victimes de la double peine, quoi. Oui. Puisqu'ils ont été engagés sous un uniforme qu'ils détestaient, obligés de tirer sur des gens qu'ils aimaient. Oui. Et quand ils rentrent chez eux, ils sont considérés comme des on salauds. Les déteste. Et voilà. Donc voilà, ça me tient très fort à cœur. Et puis d'accord. Comme j'aime. C'est un projet écrit, ça, Paul? C'est un projet qui est en construction d'accord, et en mais cours écrit. D'écriture. D'accord, non, okay. Il est en cours d'écriture en cours. Pour l'instant. Yeah. Et comme j'aime casser les mythes. Là, il y en a un que j'ai envie de casser aussi, parce qu'au lendemain de la guerre, les soldats français qui étaient sur le front de l'Est se sont retrouvés au camp de Tambov, qui était un camp non pas d'extermination, ouais. Mais un camp de prisonniers. C'est les Russes qui dirigeaient ce camp, qui était vraiment un camp de concentration. D'accord. Où il y avait des soldats français. Où il y avait aussi des malgré nous qui se retrouvaient là et où ils étaient traités, mais comme les juifs pouvaient l'être dans les camps nazis. Il n'y avait pas l'extermination, mais il n'y avait aucune hygiène. Ils étaient sous-alimentés. C'était c'est des lamentable. Oubliés de l'histoire. Complètement. Et un capitaine français qui avait eu ça est allé voir une figure bien aimée des Français. Oui. Le général de Gaulle, en disant « voilà ce qui se passe ». Et de Gaulle a répondu « écoutez, pour l'instant, on essaye de faire copain-copain pour des raisons politiques avec les Russes, donc on verra ça plus tard ». Et donc, ces gens se sont retrouvés sacrifiés pour la cause plus noble de l'État, bien sûr. Et tout ça, j'aimerais bien en parler et bon, voilà, mener un petit peu mon combat de réhabilitation. Entre la plume de ses oubliés. Oui, exactement. Super chouette. Avant qu'on passe à ton caprice de lecture et à la deuxième coupure musicale de ton choix, est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver ton actualité sur les réseaux? Sur Facebook, sur Instagram. Facebook, Paul Couturiot. Oui, voilà. Instagram Facebook. Aussi? Oui, également. D'accord. Je suis un peu moins sur Instagram parce que moi, je suis la vieille école, donc je suis plus sur Facebook. Ne te sens pas seule. j'ai du mal à ouais, manier. Aussi, Instagram. C'est... Bon, voilà. Mais c'est... Et tu c'est réponds tout. Ah oui, toujours. Très bien. Toujours. Même quand on m'écrit par courrier, je réponds à la personne par courrier. Ça, c'est agréable. Ouais. Très bien. J'aime ça. Alors, on va faire la dernière coupure musicale avec Bernard Lavillier. Le titre, c'est « La vallée de la Fench ». Bah, ça me paraît s'imposer. Oui, je pense que l'explication n'est pas utile. Pas vraiment. En plus, on le retrouve dans... Il est évoqué dans le roman, dans le cadre d'un épisode qui est celui de l'aventure de Radio Lorraine Cœur d'Acier. Oui. Alors, on fait cette coupure et on se retrouve juste après pour le caprice de lecture de Paul Couturiot. Viens petite sœur au blanc manteau, viens c'est la balade des copeaux. Viens petite girl in red blue jean, viens c'est la descente au fond de la mine. Viens nos grands shooter du désespoir, viens nos visiter mes lames et noirs. Viens nos chevaucher les grands rouleaux, et coincer la tête dans un étau. Viens petite femme de Saint-Tropez, où l'on fume la cam par les cheminées. Et si le bonheur n'est pas en retard, il arrive avec son gros cigare. Dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur ma peau comme tous des corps. Pour être peace and love et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la vie. Bien petite bourgeoise demoiselle, visiter la plage de Vindel. Ici pour trouver l'Eldorado, il faut une shooteuse ou un marteau. La vallée de la Fench, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Y'a moins de chevaux, moins de condors, mais ça fait quand même autant de morts. Bien belle femelle tropicale, je t'invite par mon carnaval. Ici la cadence, c'est vraiment trop. Ici y'a pas de place pour les manchots. Viens, en ce pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur ma peau comme tous des corps. Pour être peace and love et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la vie. Tu ne connais pas, mais t'imagines, c'est vraiment magnifique une usine. C'est plein de couleurs et plein de cris, c'est plein d'étincelles, surtout la nuit. C'est vraiment dommage que les artistes qui font le spectacle soient si tristes. Autrefois il y avait des rigolos, ils ont tous fini dans un lingot. Le ciel a souvent des teintes étranges, le nom des patelins se termine par ange. C'est un vieux pays, pas très connu, il n'y a pas de touristes dans les rues. Viens dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tous des corps. Pour être peace and love et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la vie. Bien petite sœur au blanc manteau, bien c'est la balade des copeaux. Bien petite girl in red blue jean, bien c'est la descente au fond de la mine. Bien c'est la descente au fond de la mine. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et déjà dernière partie d'émission pour ce caprice de lecture consacré à Paul Couturiot pour son dernier roman Retour à la vallée des anges. Et je vais laisser la parole à Paul pour qu'il nous présente son caprice de lecture. Paul, c'est à toi. Alors, mon caprice de lecture, en fait, c'est un, comme tu le vois, c'est une, un livre qui a vécu parce que. J'adore les boîtes de lecture. Tu sais, on dépose les boîtes des à livres, livres on dépose. Voilà. Okay. Et il y en a un au marché couvert à Metz. Oui. Où je vais de temps en temps déposer des livres et puis je vois des trucs. Ah, bah tiens, je vais découvrir ça. Et ça, c'est José Carlos Somoza, La Dame numéro 13. Okay. Alors, pourquoi je suis allé vers ce roman? Parce que j'aime beaucoup la littérature hispanophone. D'accord. Ah, je me sens. Bien en osmose avec cet univers, et en particulier les Cubains. Okay. Là, c'est un auteur cubain. Et pourquoi? Ben, peut-être parce que dans la littérature hispanophone, on retrouve une dimension qu'on trouve beaucoup dans la littérature belge, à savoir le fantastique. D'accord. C'est vraiment quelque chose qui imprègne et avec quoi j'ai grandi quand j'étais enfant et que je retrouve dans cette littérature. Une espèce de Madeleine de Proust. Voilà, exactement. Okay. Et ce livre est très étrange. Il peut être gore à certains moments. Il commence par un rêve. Un personnage fait un rêve dans lequel il se voit dans une maison. Et il se passe des choses assez curieuses dans cette maison. Il va voir un psy parce qu'il n'en peut plus de faire toutes les nuits le même rêve. Ouais. Et avec ce psy, à un moment, il lui dit « Voilà, j'ai trouvé la maison. » Ils vont aller voir la maison. Et le psy lui dit « Bon, ok, la maison, elle est là. Tu as dû la voir à un moment. Point. Oui. » Et lui dit « Non, moi, je vais entrer dans la maison. » Il va entrer dans la maison où une femme s'est faite assassiner. Il va arriver en même temps qu'une autre jeune femme qui va entrer dans la maison avec lui parce qu'elle fait les mêmes rêves que lui. Et ils vont découvrir des choses assez étranges. Lui, il est un ancien prof de littérature espagnole. Okay. Il va voir son professeur de littérature, son maître, en lui disant, lui va pouvoir m'aider. Et son maître lui dit, mais c'est étonnant ce que tu me racontes parce que moi, mon grand-père, il m'a parlé de ces gens-là. Et en fait, c'est un monde très particulier. C'est l'histoire des dames. Tu es confronté aux dames. Et les dames, il y en a 13. D'accord. Et on nous dit qui sont ces dames. Et ces dames, en fait, c'est une espèce de... À un moment, il emploie le mot de secte, de société secrète. Okay. Mais qui apparemment défient le temps, qui vivent éternellement, s'incarnant dans des personnages. De choses intemporelles, etc. Comme ça. Okay. Ouais. Et elles inspirent les poètes. Parce que de temps en temps, le poète, il va écrire un texte. Et dans ce texte, il y a l'un ou l'autre vers qui tout à coup est un vers de pouvoir. Et que ces femmes, ces dames, vont pouvoir manipuler pour utiliser, etc. Et les personnages se retrouvent pris dans une guerre de pouvoir. Okay. entre ces dames. C'est très, très étrange parce qu'on est à la fois dans la... l'auteur est psychologue ou psychiatre, je ne sais plus exactement. Et on est dans ce monde psychiatrique, dans le monde onirique et aussi dans le mode de la poésie. Parce que les vers qu'on évoque, chaque fois, renvoient à Milton, à Ovid. D'accord. Assez riche, du coup. C'est très riche, c'est très, très angoissant par moments, mais en même temps, on fait un voyage à travers l'histoire de la poésie. Voilà. Tu peux nous rappeler le titre ? Alors, La Dame numéro 13, c'est deux. De José Carlos Somoza, aux éditions Actes Sud. Eh bien, merci beaucoup, Paul, de nous avoir partagé ce caprice de lecture et encore merci d'avoir accepté ce temps dans Caprice de lecture pour retour à la Vallée des Anges. Merci, Sarah. Merci pour ton invitation. Merci, à très bientôt, Paul. Au revoir. Merci.